Ces deux années n'avaient pas été toutes de plaisir, pas plus qu'elles n'avaient été toutes de printemps. Quand on n'a ni père ni mère, et que les amis que l'on possède ont juste assez de pain pour eux-mêmes, la vie ne peut être facile. Bébé se levait à l'heure où les oiseaux gazouillent dans la nuit et se couchait à l'heure où le soleil s'enfonce derrière la ligne droite que dessinent les plaines. Elle sarclait, elle arrosait, elle plantait et tenait sa cabane propre comme un frais coquillage, elle traillait sa chèvre et toute la journée, on la voyait l'été vendre ses fleurs sous un auvent en face de la maison du roi, l'hiver courbée sur un métier à dentelle. C'était beaucoup de travail pour ne réussir qu'à éviter la faim. Mais l'enfant était heureux cependant et rêvait mille choses charmantes tout en désherbant ses plates-bandes ou en agitant ses bobines. Sans doute, elle ne pouvait errer paresseusement parmi les fleurs comme aiment à le faire les jeunes filles et les poètes. Elle avait à les protéger activement contre le vent et la poussière et les insectes. Mais si l'amour le plus délicieux est celui qui plane libre au-dessus des tempêtes, l'amour le plus fort est peut-être celui qui, tout en adorant, déchire ses pieds aux épines et brûle son front au soleil pour le bien de l'objet aimé. À 16 ans, Bébé était, nous l'avons dit, la plus jolie fille que l'on put rencontrer entre l'Escaut et le Rhin. Sa chevelure lui couvrait les épaules en masses brillantes et crêplées, sa petite poitrine ronde était blanche comme les pâquerettes du gazon, et ses yeux pleins d'innocence et de courage cachaient sous leur joyeux sourire des rêves qui allaient plus loin que les vertes forêts de l'Aiken, plus loin même que les nuages blancs de l'été. Elle avait 16 ans, est-ce possible, pensa-t-elle, en allant s'asseoir sur le pas de la porte. Il avait plu la nuit, et le parfum de la terre humide était plus suave que tous les parfums brûlés dans les palais. Les roses ruisselantes caressèrent ses cheveux lorsqu'elle passa. Le Sansonnet lui cria « Bébé, bébé, bonjour !» C'étaient les seuls mots qu'il sut dire, et il les répétait mille fois la semaine. Mais Bébé ne douta pas que le Sansonnet ne sût à merveille qu'elle avait 16 ans ce jour-là. Tout en rompant le pain de son déjeuner, elle songeait sans bien s'en rendre compte qu'il est doux de vivre quand on est jeune. Les vieillards disent souvent la même chose, mais avec un soupir. Et Bébé souriait. Les voisines parurent sur leurs portes les unes après les autres et lui souhaitèrent par-dessus le mur une heureuse année. Les enfants de Van Hart, le brûleur de charbon, qui était gueux cependant comme rat d'église, s'élancèrent vers elle du bout de la route apportant un gâteau fait par leur mère en son honneur. La mère Bichot, la plus vieille de l'Aiken, traversa l'herbe mouillée sur ses béquilles pour dire à Bébé en secouant sa tête blanche « Je n'ai rien à te donner, petite, que ma bénédiction, si tu t'en soucies. » Et Bébé, échappant aux enfants, courut s'agenouiller sous cette bénédiction. Trine Krebs, la riche meunière, tout en blâmant la prodigalité de Van Hart, jeta dans le tablier de Bébé ses premières cerises, avant d'y avoir goûté elle-même. Enfin, un vieillard l'appela. Ces petites cabanes sont proches les unes des autres, séparées seulement par des pommiers ou une haie d'épines. On peut passer près d'elles sans les remarquer, si on ne les cherche pas sous les feuilles, comme on ferait un nid d'oiseau. Jehan avait été le meilleur ami d'Antoine. « Viens, mignonne, » dit-il d'un air de mystère. « Entre, j'ai là quelque chose pour toi. Elles étaient à ma fille, à mon aimée, qui est morte, il y aura tantôt 40 ans, à ce qu'ils disent. Pour moi, c'était hier. » Trine Krebs, elle a le cœur dur, s'est mise à rire comme je parlais de ma petite fille. « Par Dieu, fou que tu es, ta petite fille aurait 60 ans aujourd'hui. » « Peut-être bien, le moulin neuf a été achevé la semaine de sa mort, et on l'appelle maintenant le moulin vieux. Mais ma fille est toujours jeune. Viens, bébé. » Bébé le suivit, un peu ému, dans l'intérieur sombre. D'une main tremblante, le vieux ouvrit l'armoire où les paysans de France et des Pays-Bas rangent leur linge de ménage, les dentelles qui servent aux noces et aux baptêmes de plusieurs générations. Un parfum de lavande morte et de rose fanée s'échappa de celle-ci. Sur les planches reposait une toilette et un voile de première communion. « Toutes ces choses étaient à elle, » murmura le père, « et quelquefois, le soir, sais-tu, je la vois descendre le sentier pour venir les chercher. Rien n'est changé, ni l'herbe, ni les arbres, ni les temps, ni les maisons. Pourquoi est-elle seule partie ? Père Antoine aussi est parti. Il était vieux, lui. Ma fille est jeune. » Jehan resta une minute devant l'armoire, souriant avec la foi sublime de l'amour et l'entêtement immuable de l'ignorance qui le retenait enchaîné à cette même pensée. Voilà ses habits, regarde. Voici la petite blanche d'églantier qu'elle avait à la ceinture la veille du jour où cette charrette la renversa, morte. Tu lui ressembles un peu, bébé. Je veux te donner les agrafes d'argent qui lui venaient de son arrière-grand-mère. Dieu sait combien elles sont anciennes. Il convient qu'une fille ait des bijoux. Bébé sortit avec les larges agrafes d'orfèvrerie autour de la taille, en versant des larmes sur un chagrin qui n'était pas le sien. Mourir jeune et aimée au mois de mai. L'agrafe d'argent était froide sous sa main, comme si elle eût tenu la main de la morte. Mais aussitôt, les enfants du brûleur de charbon accoururent à sa rencontre avec des cris d'allégresse. « Oh, bébé, comme tu brilles! C'est la Sainte Vierge qui t'a envoyé cela? Laisse-moi voir, laisse-moi toucher, on dirait des étoiles !» Et bébé dansa volontiers avec eux. Les bijoux d'argent lançaient des étincelles. Les voisins accouraient, curieux. Les chariots allaient, arrivèrent en ville une demi-heure plus tard que de coutume ce matin-là. Les hommes eux-mêmes s'arrêtaient pour admirer leurs faux sur l'épaule. Ces agrafes n'ont pas leur pareil en Brabant. Tu en ferais de l'or chez les marchands de curiosités de la montagne, dit Trinkreps, sortant de son étable. Mais la dépouille d'un corps mort porte malheur quelquefois. Bébé continuait de sauter avec les petits Van Hart et ne l'entendait pas. Cependant, la fête ne pouvait se prolonger beaucoup à 5 heures du matin, tandis que Bruxelles attendait ses provisions. Bientôt, on vit bébé installé comme toujours sous la tente qui avait garanti avant elle Antoine Maes contre le vent et la pluie, cette tente tannée comme une poire d'automne, battue par le vent comme une vieille voile qui se déploie en face du Broadway. « Va-t'en donc à la Madeleine, tu y feras fortune avec tes yeux bleus », lui disait-on souvent. Mais Antoine avait toujours jugé que leur rustique marchandise ne pouvait lutter contre les trésors d'horticulture qui s'étalent dans ce merveilleux marché aux fleurs, établi sur le modèle de celui de Paris. Et se rappelant ses conseils, elle restait comme lui à l'ombre des tours gothiques qui virent mourir Egmont. Bruxelles est une jolie ville. Elle brille coquettement blottie dans sa ceinture de forêt, avec ses maisons peintes, ses balcons dorés, ses avenues ensoleillées où résonne la musique. Elle imite Paris et s'efforce sans cesse de faire croire aux étrangers, de croire elle-même qu'elle est Paris pour de bon. Mais ce n'est là que le Bruxelles du beau monde. Il y a un Bruxelles plus intéressant que celui-là, où s'est réfugié l'âme des hommes libres de Gand, des bourgeois de Bruges, des assiégés de Leyde. Descendez au bord de l'eau, les vieilles murailles se penchent sur le flot jauni, les tonnes vertes des barges anversoises se balancent sous les ponts croulants. Entrez dans les cours désertes et sombres des vieux palais, la tapisserie de Flandre tombe en lambeaux le long des galeries vermoulues. Mais surtout, arrêtez-vous au milieu de la grande place populeuse, au pied de la maison du roi, qui domine rébarbative les clameurs de la foule devant l'hôtel de ville qui se détache sur le ciel dans tout le luxe fantasque de l'art du Moyen-Âge. Ce vieux monde étrange, dérobé au progrès, recèle ici un encorbellement du XIIe siècle, qui se couronne de fleurs, plus loin quelques arceaux gothiques bâillant au-dessous d'un entrepôt de laine. Ça et là, une gargouille grimaçante rit de son rire de faune au-dessus de la tête inclinée d'une ouvrière en dentelle. Plus mondaine que ses sœurs de Gand et de Bruges, surtout que Fribourg et Nuremberg, ses cousines teutonnes, Bruxelles fait penser à un joyeux vaudeville français qu'illustrerait, par un piquant contraste, les enluminures héroïques ou dévotes des vieux Micelles. La place où se tenait bébé est peut-être la plus belle de toute l'Europe du Nord, avec ses charpentes noircies, ses sculptures dorées, ses fenêtres à blason, ses pinacles aériens. En contemplant la sévère beauté de Broadway, les arabesques merveilleusement fouillées des maisons espagnoles ou les vitraux de la cathédrale, la petite bouquetière réfléchissait beaucoup au monde inconnu qui l'entourait. Elle était oppressée par le sentiment vague de sa propre ignorance. « Si je savais, se disait-elle, si je pouvais apprendre !» Antoine Maes ne lui avait jamais rien dit du Broadway, sauf qu'il était déjà debout du vivant de son père, ni de Sainte-Gudule, sinon que sa mère y avait brûlé plus d'un cierge pour son frère aîné, noyé en vue des dunes. Pourtant, aucun antiquaire, aucun artiste n'aimait peut-être Sainte-Gudule et le Broadway comme les aimait l'ignorante bébé. On lui avait conté que jadis de grands hommes sombres étaient venus bâtir ces choses magnifiques, et elle pensait « Peut-être quelqu'un viendra-t-il un jour m'en dire davantage, me dire tout ?» En attendant, elle vendait ses fleurs au milieu de braves gens qui bavardaient entre eux comme des pies du matin au soir et qui se demandaient parfois, lorsqu'elle contemplait, songeuse, les tours imposantes ou le ciel bleu, que voit-elle donc là-haut, les morts ou les anges ? Le jour de sa fête fut célébré sur la place comme au village. La marchande de volailles lui apporta des œufs, le confiseur une corne d'or remplie de papillotes, le bimbelotier une cage, le savetier une paire de souliers rouges. Lorsqu'éclata le carillon, Bébé ne put s'empêcher de croire qu'il disait laus deo à son intention particulière. La matinée se passa bruyante et affairée. Il y avait beaucoup d'étrangers en ville, et cela ne manque jamais de visiter la place espagnole. Elle vendit donc vite et bien ses bouquets. À peine lui restait-il quelques roses quand l'Ave Maria sonna le signal du départ. Bébé se dirigea vers la cathédrale pour y remercier le ciel de lui avoir donné tant d'amis. Il y a quelque chose de touchant dans les relations du Néerlandais avec son Dieu. C'est un mélange de vénération et de familiarité humble, affectueux et tout à fait caractéristique. Il parle à son bon ange, au petit Jésus, comme à des compagnons. Cette théologie en sabots est à demi grotesque, à demi pathétique. Elle a la grandeur de la confiance absolue. Bébé s'endormait chaque soir, persuadé que les 16 chérubins de la prière flamande montaient réellement la garde autour de son lit. Les passants la regardaient tandis qu'elle suivait le tortueux lacet des rues, les ailes de son petit bonnet palpitantes à la brise, comme celles d'un papillon, et ses larges agrafes d'argent tout en feu comme une cuirasse, mais elle ignorait qu'on la regardât. Quelqu'un qui s'appuyait paresseusement à un balcon de la rue Marie de Bourgogne la vit passer. Il descendit l'escalier et la suivit. L'éclat de la ceinture étincelante au soleil avait d'abord frappé son regard qui avait glissé ensuite jusqu'au joli petit pied. Ce sont de ces hasards que les femmes appellent la destinée. Bébé entra dans l'église, vide à 7 heures, et après avoir fait sa révérence au maître-autel, s'agenouilla dans la chapelle du Saint-Sacrement. La tête renversée, elle contemplait ces fameux vitraux dont les riches couleurs s'enflammaient aux derniers rayons du soleil. Elle sentait certainement la beauté recueillie de ce lieu de prière, si loin du monde où elle était seule. Seule, quoiqu'elle comptât des amis, car un bleuet des champs n'a pas de pareil dans le seigle qui s'en va au moulin, ni l'orge qui enivre. Quand le soleil parut s'éteindre, quand l'histoire que racontent les vitraux devint inintelligible, Bébé se leva brusquement, inquiète de s'être autant attardée. « Avez-vous un bouton de rose à me vendre ?» dit près d'elle une voix d'homme douce et basse, comme il convient devant le Saint-Sacrement. Bébé se retourna. Elle ne sut pas trop ce qu'elle voyait. Deux yeux sombres souriaient aux siens. Par habitude, elle chercha dans son panier, y trouva 3 roses mousseuses et les lui tendit. « Je ne vends pas de fleurs ici, mais je vous les donne. » dit-elle avec une gravité enfantine. « J'ai souvent besoin de fleurs, » reprit l'étranger. « Où vendez-vous les vôtres ?»« Sur la grand-place. Me direz-vous votre nom, belle petite ?»« Bébé, » elle le salua d'un signe de tête. « Bonsoir, je ne puis m'arrêter davantage. J'ai un gâteau qui m'attend chez moi et les enfants à souper. »« Ah, oh, c'est une grande affaire, en effet. Achetez d'autres gâteaux pour les enfants, de ma part. » Elle sentit une pièce d'or se glisser dans sa main et la regarda stupéfaite. Dans les verts sentiers de la Ecken, on ne voyait point d'or. La lui rendant, « Je ne vends pas dans l'église, » répondit-elle, « et je ne prendrai nulle part que ce que valent mes fleurs. Bonsoir. » Il retint, pour la laisser passer, la lourde porte et sortit après elle. À peine la nuit laissait-elle percer encore quelques lueurs roses. Les sabots de Bébé claquaient rapides sur les pierres inégales. « Vous êtes pressé à cause de ce gâteau, » dit son nouveau client. Bébé tourna la tête vers lui en souriant. « Il y aura des cerises aussi, c'est ma fête. J'ai 16 ans. » Elle en était si fière qu'elle l'eût dit au chien de la rue. « Bon, vous voilà bien vieille, et ce sont des cadeaux que vous portez dans votre panier ?»« Oui, » elle écarta les feuilles de vigne pour lui montrer ses souliers rouges. « Tenez, je porterai cela dimanche prochain à la messe. Je n'avais encore jamais eu de souliers. »« Et vous les porterez sans bas ?» Le serpent entrait dans son éden. Elle n'y avait pas pensé. « Je pourrais peut-être faire des économies et en acheter, » dit-elle, après une pause assez triste. « Mais ce ne sera guère que l'année prochaine. Les bas coûtent cher. Qui sait si une bonne fée vous les donne ? Bébé sourit encore, elle croyait aux fées, ses parentes. C'est vrai, quand on prie bien, les choses nous viennent quelquefois. Ma Gloire de Dijon, par exemple, a failli mourir l'été dernier pour avoir été taillée de trop bonne heure. Je ne pouvais penser qu'à elle dans mes prières, et à l'automne, les feuilles repoussaient. Maintenant, c'est un plus beau rosier que jamais. Vous l'arrosiez tout en priant, je suppose. Le sarcasme lui échappa. Elle se demandait s'il serait mal de parler au saint d'une paire de bas et se promit de prendre le conseil de monsieur le curé. Tous deux avaient atteint le milieu de la rue Royale. Les réverbères s'étaient allumés, un régiment défilait, musique en tête, au milieu de la foule. « Mais vous me faites causer, » dit tout à coup Bébé. « Laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur, vous me mettez en retard. » Là-dessus, elle s'enfuit, son panier au bras. « À demain, petite, » dit l'étranger, avec insouciance. Au-dessus d'un café, par la fenêtre ouverte, se penchaient des jeunes gens et des femmes peintes qui lui jetèrent des dragées comme en carnaval. « Un nouveau modèle, cette jolie paysanne ?» Il se mit à rire pour toute réponse et monta les rejoindre. Les roses mousseuses étaient tombées de sa main et il marcha dessus, en passant. Bébé, cependant, atteignit sa demeure, devant laquelle l'attendait toute la petite tribu Van Hart, qui l'accueillit par des acclamations entremêlées de reproches et de bienvenue. Il guettait son retour depuis le coucher du soleil, et la lune s'était levée, mais les bonbons qu'elle leur distribua les décidèrent à pardonner. Bientôt, la troupe joyeuse fut attablée autour du gâteau, arrosée de crème par la meunière et assaisonnée d'un rayon de miel par les soins de monsieur le curé. On sauta ensuite au son d'un méchant violon que savait racler le vieux Krebs, puis tout fit silence, sauf un rossignol qui, dans le bouquet de saule, semblait chanter pour les cygnes endormis le chant de Desdémone. Mais Bébé n'avait jamais entendu ce nom de Desdémone, et le soupir des saules n'avait pas de sens pour son cœur d'enfant. « Bonne nuit, » dit-elle gaiement à toute la nature, et elle s'endormit elle-même, heureuse comme une princesse de conte de fées, heureuse de ses 16 ans, de ses souliers rouges, de ses boucles d'argent, du parfum des fleurs, du calme de la nuit, de l'éclat silencieux de ce beau clair de lune. Le rossignol chantait toujours, les saules tremblaient, et les cygnes reployaient sous leurs ailes de neige leur col majestueux. Fin de la section 1.